tous les soirs, de 21h à minuit, ils animent la plus grande radio libre de France. What the fuck? Romano, Difool, Cédric, Marie, Samy, Momo et Karim. Toi aussi, où que tu sois et quoi que tu fasses, viens nous rejoindre en direct sur Skyrock. Et en direct sur Skyrock, c'est parti jusqu'à minuit, radio libre avec un peu d'avance aujourd'hui, 20h47. Dans un instant, le concert de Soprano. Laisse-nous un petit peu l'ambiance du Zénith, Samy. Allez, hop, on met ça. On verra quand démarre le concert. On va pas en louper un instant. Donc il n'y a pas de pub jusqu'à la fin du concert sur Skyrock. Ah, ça c'est bien. Restez ça aussi bien avec nous. Ça aurait été con en plein milieu d'un morceau. Ouais, ah, t'imagines un truc pour je sais pas moi. Ou alors Soprano sur scène qui se met à dire bon, excusez-moi, on va faire une petite page de pub. Il y a des pubs sur Skyrock. Et dans un instant, on va revenir. On revient. Ça sera un peu bizarre, effectivement. 22 minutes, allez. Donc sans pub pendant 1h45, il nous a dit Soprano. Ouais. 1h45 au concert. Ouais. Bon, sinon pour tout le reste, vous allez bien? Ça va. Écoute, en pleine forme, moi je suis contente. Ça va. Bienvenue à vous tous. Romano doit aller au concert. Non. Je lui ai proposé hier de jeter des billets en plein milieu du concert. Comme ouais, il n'est pas ça là, lui a pas plu, ça. Je me suis dit que mon idée, en fait, il y a réfléchi, il a trouvé ça génial. Il est en train de retirer là, apparemment. Ouais, il est peut-être en train de retirer de l'argent et il va jeter dans la foule en montant sur scène tout à l'heure. Non, mais là, tu rêves, là. On connaît Romano quand même. On ne sait jamais, peut-être que l'idée lui a paru pas mal. Ou peut-être qu'il est sur scène, il attend avec Soprano, il va rentrer, il va nous faire une surprise, en fait. Peut-être, on verra ça. Donc on va suivre ça. Ça serait drôle. En direct sur Skyrock. Bon, il y a plein de sons que vous pourrez retrouver tout au long de la soirée. Vos messages, c'est sur le 41759, le skyrock.fm, l'appli Skyrock, vous nous laissez vos messages. Et puis le hashtag que nous a donné Momo. Concert Soprano sur Skyrock. Bien. Ouais, bravo. Bien. Concert Soprano sur Skyrock. Voilà, ça démarre dans pas longtemps. Et qui est-ce qui est allé voir Soprano? Personne dans l'équipe. Moi, je l'ai vu à Marseille. Avec les psychiatres à Marseille. Ouais, moi aussi, avec les psychiatres. À Rennes et au Dôme. Et dans une autre ville, je sais pas. Dans une autre ville, d'accord, c'est bien, Momo, il se souvient bien, c'est bien. Très intéressant, Momo. C'est il est lourd, le concert, vraiment lourd. Il est lourd. Bah, on va pouvoir assister à ça dans un instant en direct sur Skyrock. Et on a Vincent en direct de Chambéry aussi qui doit être avec nous. Bonjour Vincent. Salut Chambéry. Ouais. Comment vas-tu, Vincent? Ça va être trop bien le concert de Soprano ce soir, ça va être du lourd. Ah bah j'espère que ça va être du lourd, on va suivre ça en direct sur Sky, le grand concert de Soprano. J'ai écouté jusqu'au bout. Nous aussi. Nous on reste là, on reste avec vous. Attends, un concert gratuit, tu es obligé. C'est clair, et au son en plus. Romano est au distributeur. Je me demande s'il va pas faire une apparition sur la scène tout à l'heure. Ouais, une petite surprise. Oui, une petite surprise. Je sais pas. Pour l'instant, il est pas là. J'ai voté hier pour lui au clash de la drague, mais bon, voilà. T'es content parce qu'il a niqué Cédric hier. Hein. Ah bah oui, voilà. Mais je voulais dire que c'est moi qui a appelé. C'était jeudi soir pour le parler des Anturansi et tout, des trucs comme ça. Des hein? Des valises, des trucs, c'est pas très clair. C'est moi qui avais appelé. Bah écoute, il revient de la banque, Romano. Ah, Romano, mais je croyais que t'allais au Zénith. Tu préfères pas mon idée du Zénith? Non, j'ai entendu, c'est annulé ma prestation. Pourquoi c'est annulé? Ils vont commencer là. J'avais proposé à Romano qu'il aille au Zénith et qu'il distribue de l'argent aux gens sur Millionnaire. Tu vois, il y a Millionnaire qui démarre. Bah là, ouais. Là, Romano, il arrive. Et hop là. Rends-moi Millionnaire, il jette de l'argent. Tu fais pas mon idée là. Attends, je m'étais cassé le cul à trouver ça. Quand même, vous avez trouvé ça génial hier soir. Une bonne idée. Mais c'était une bonne idée, mais finalement, c'est annulé. J'ai voulu y aller, je me suis fait recaler par la sécu. C'est dommage, fallait leur donner un petit peu d'argent. Bah oui. Mais non, c'était pas possible. Bon, bah écoute, Vincent, assiste bien au concert. Bonsoir tout le monde, quand même. Bonsoir à Vincent, il te soutient, Vincent. Salut. Ouais, Vincent. Ouais, j'ai voté pour toi hier. Ah, merci. T'as vu comment on l'a baisé encore? Ouais, je fais encore du bruit pour ce soir pour Soprano. Du bruit pour Soprano, on est branché en direct du Zénith, le Zénith de Paris. Dans un instant, le concert va démarrer. Ça va commencer là. Vous entendez l'ambiance derrière. Vous avez vu quel concert? Tiens, dites-nous si vous avez vu un concert qui vous a fait kiffer. On attend vos messages sur SMS, sur le net, sur le 41759 pour les SMS, le net, le skyrock.fm et évidemment l'appli Skyrock que vous faites péter. Vous nous laissez tout ça et dès que vous avez un truc à dire sur le concert, vous n'hésitez pas. S'il y a un morceau que vous n'avez pas reconnu, vous dites, vous demandez ce que c'est. Je crois qu'on va démarrer avec un gros Cosmo. Ah, toi t'es au courant, toi? Oui, j'ai pris 2-3 renseignements. Il faut lire ce qu'on appelle le track listing. Si vous aimez Cosmo, si vous aimez Clown, si vous aimez Ils ne connaissent pas. Bon, vous y aurez droit ce soir et en version en exclu, puisque c'est une version unique. C'est fait en live par Sopra et c'est donc au Zénith de Paris. Et ça va démarrer dans un instant en direct sur Skyrock. Ah, c'est parti là, ça commence. Je crois que c'est parti là. Là, le DJ monte sur scène. C'est parti, le DJ monte sur scène. Merci Cédric, vous allez voir tout ce qui va se passer. Ah, il y en a une qui vient de se faire mal derrière. Yeah. Soprano.

Concert de Soprano à Paris, en direct sur Skyrock. Est-ce que vous êtes venus chanter avec moi ou pas? Alors je vais entendre toute la salle avec moi. Ça fait... Désolé, je... Je suis là pour vous faire oublier. Vous voulez que ça bouge? Ce soir je suis payé. Ce costume coloré me rend ridicule et me colle. Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Je ne sais plus m'en défaire. J'ai perdu mon chemin. Avez-vous vu ma détresse? J'ai l'impression d'être un chien qui essaie de ranger sa laisse. Mais ce soir la salle est pleine. Vous voulez que ça bouge? Donc je nettoie ma peine. Concert de Soprano à Paris, en direct sur Skyrock. regard de travers. La police est au me résiste pas des peurs. La calme est là pas du tout. Ça me parle d'un SMS. Ça n'est pas connu. Alcoolique à présent. Même si c'est plus tout. Aller-retour en prison. Des parents divorcés. Donc ça va pour oublier. Comme pour tous les collègues. Je parle à la lune en tirant sur un joint. Mais dis-moi qui me connaît vraiment. J'ai perdu la notion du bien et du mal à cause des jugements qui portent sur moi. Pourtant tu trouveras de l'or en vous, en vous, en vous. Ils nous connaissent pas. Pendant que la jeunesse ne sait plus où elle va, tout le monde. Le concert de Soprano à Paris, en direct sur Skyrock. Bonsoir les Zénith de Paris. Oh, attends, attends. Montre-moi un peu l'ambiance qui est un peu de ce côté-là. Montre-moi un peu. Là, montre-moi un peu ce côté-là. Montre-moi. Oh là là. Vous savez, ça fait plaisir. J'avoue, quand il y a eu tous ces événements, je me suis dit... Ça va être difficile, les gens vont avoir peur et pas tout le monde va venir au concert. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir, mais vous, vous êtes là, vous êtes les résistants. Donc merci beaucoup. Bienvenue dans le cirque de la cosmopolitanie. Ce soir, je vous explique un peu le concept. Ce soir, nous faisons la fête ensemble. Nous sommes unis ensemble. Ce n'est pas que Soprano en haut. Dans la tête d'affiche ici, c'est le Zénith de Paris. Tout ce public. Nous allons prouver au monde que ce soir, ici au Zénith de Paris, nous sommes en cosmopolitanie. Est-ce que vous êtes prêts? Pourquoi je dis on va prouver au monde? Tout simplement, en ce moment même, à l'heure où je vous parle, toute la France nous écoute. Nous passons sur Sky là en direct. Alors montrez-moi là, bordel et l'ambiance qu'il y a ce soir à Paris. Ils sont chauds. Mais on va voir, il y en a, ils font un peu les malins. Regarde, on sent qu'ils sont trop trop chauds. On va voir ça. On va faire comme on fait à tous les concerts. On va couper la salle en deux pour voir l'ambiance. Quel côté met plus le feu entre celui-là et celui-là? Mais attends, on va couper la salle. Vas-y. Choisissez votre chemin, votre... c'est ta femme, je suis désolé mon ami. Quoi? C'est ta... Ah, c'est pas ta femme, je devais pas le dire, désolé. On va prendre tout ce côté-là, ce sera le côté de Zach. Est-ce que le côté Zach est chaud ce soir? Bonsoir Zach. J'avoue, pour l'instant, ils sont chauds. Wow. Tout ce côté-là, ce sera le côté de Diego. Le côté Diego, vous êtes chauds? Bonsoir Diego. Bon, pour l'instant, j'avoue, pour l'instant quand même, il y a un côté qui est plus chaud, mais je ne dirai pas mon pronostic. L'arbitre de la soirée, ce sera DJ Mej. DJ Mej, pour toi, on vient de commencer. Quel côté va mettre le feu ce soir? Dis la vérité. Ah, c'est le côté Zach. Mais je vais prouver pourquoi c'est ce côté qui est chaud ce soir. Je vais le prouver de suite pourquoi. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Regarde. faire, tout simplement. Je vais vous demander de vous retourner, de regarder le côté Diego, s'il vous plaît. On se provocation. On se lève, on les regarde droit dans les provocation. Yeux. Provocation. Voilà. Le bras en l'air, comme ça, comme au stade. Voilà. Ils réagissent même pas. Voilà. Ils réagissent même pas. Ouais, ils sont fatigués. Sont humains. Et on leur dit, ce côté-là, il n'est pas là. DJ Benji, il a dit que c'est non, non, non, non. Diego, ça va être chaud non, pour toi. Non, je suis pas d'accord. Ils sont très, nuls. Très, très chauds. Non, ils étaient nuls, Sopra. Ils étaient nuls. Moi, je vais vous montrer c'est quoi un vrai côté. Vous allez voir. Je vais voir tout le côté Diego, les deux points comme ça. Ouh, musclé. Waouh, on est musclé ce soir. Et on va leur dire, ce côté-là, il est pas chaud, pas chaud. Ce côté-là, il est... Ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, oh, fais du bruit pour vous, Diego. Non, les gars, j'avoue, les deux côtés sont chauds. Les deux côtés sont chauds. Non, non, ne te la pète pas trop. Je pense vraiment que c'est toi qui ne sais pas mettre le feu. Ils étaient chauds, c'est toi qui ne sais pas mettre le feu. Moi, je ne suis pas ambiancé. Ah, tu ne sais pas. Moi, je ne suis pas ambiancé. Je ne sais pas. Ok, alors je vais prendre tout Paris, là. Les deux côtés, Zach, Diego, en haut, là, tous. T'es sûr? Attention. Tous. T'es sûr? Ne te fais pas remarquer. Regarde, regarde comment je vais mettre le feu. Parce que ce soir, à Paris, on le fait à la bienvenue. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent cette chanson ici? Alors tout le monde les prend en l'air, on y va! Envoie le mic à manger, on le fait! Pour les mecs en bas des blocs, on le fait! Pour les tiers qui se réservent, on le fait! J'te jure, cousin! Ma jeunesse, pas des nuits à se tuer! À gratter des fesses, tu ramènes ces nouvelles! Être la satire, lire pour enrichir qu'on a mis! Et qu'on sent plus d'air! Elle balade son stress dans TN ou en converse. Elle balade dans la vie sans avoir de GPS. Elle perd son calme quand Sarko ouvre la bouche. Quand pour sauver le monde, bouche en fil sa cape rouge. Oh. Elle est garnouche, Uyuru Gauri. Elle rêve de vivre en cosmopolitanie. Elle a le monde comme voisin de palier. Et ça s'entend. Oh, elle aime se saper, ouais. Draguer, chambrer, saper, des barres de rire avec l'amitié. Elle gagne sa vie en nettoyant le McDo. Et quand elle truie, c'est la choc à police. Envoie le mec à Paris, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les tiers qui se préservent, on le fait. Je te jure, cousin. Pour toute la jeunesse de France, on le fait. Pour les franges enfermés, on le fait. Pour mon poteau papou, on le fait. La famille, j'ai compris. Waouh. Ouais, ils connaissent. J'avoue, c'est pas toi. C'est pas toi qui est pas chaud. Je crois que c'est lui qui sait pas mettre le feu. Je crois que c'est toi. C'est lui, attends, regarde, le feu qu'il vient de mettre. Attends. Lui, il a eu je sais pas combien de temps. Moi, je vais prendre que 30 secondes et je vais retourner le Zénith de Paris. Vous êtes prêts ou pas? Tu prends le côté de le côté de tu prends tout le monde. Tu prends tout le monde? Je prends tout le monde, même ceux qui sont dehors, je les prends. Ok, vas-y, prouve-nous et ça. Regarde, ce soir, le cri de guerre, c'est très simple. C'est Hala, Hala, Hala. Veux-tu vraiment que je cesse de parler des jeunes? Hala, hala. Encore? Hala, hala. Veux-tu vraiment que je cesse de faire du flow? Veux-tu vraiment que je cesse de mettre le feu? Hala, hala. Encore? Hala, hala. Bon, attendez, je vais expliquer un truc direct. Il y a marqué concert soprano, pas Zach et Diego. Quoi? Ne commencez pas à venir boycotter mon concert. Oh, t'es jaloux. Je vais vous montrer comment on met vraiment une ambiance ici au Zénith de Paris. Tout le monde, les deux bras en l'air avec moi, s'il vous plaît. En haut, en bas, tout le monde. Car ici au Zénith, on va faire le bain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Laisse-nous faire le pain, yeah. Laisse-nous faire le pain, yeah. Le pain, le gain, le vrai, la monnaie, c'est ce qu'il nous faut tous pour bien éveiller. Donc laisse-nous faire le pain, en vous, laisse-nous faire le pain, yeah. Merci. Yes. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, quand je fais hala hala, hala bien ou le pain, c'est pour une raison. Chez nous, à Marseille, nous avons beaucoup de règlements de compte. Et les premières victimes sont souvent, malheureusement, nos darons. Une mère est venue me voir un soir et m'a dit, s'il te plaît, fais une chanson et dis-leur de poser les armes. Poser les armes. Le concert de Soprano à Paris, en direct sur Skyrock. C'est aujourd'hui, en rentrant dans ta chambre, que j'ai compris que t'étais vraiment plus là. Tu sais, j'ai toujours cru que j'allais enterrer mes parents. Mais jamais mon enfant. Jamais. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Encore une étoile qui vient de s'éteindre. La nuit devient de plus en plus sombre. Comment consoler cette mère qui sait ce soir ce qu'est la fin du monde. On enterre ses parents mais pas ses enfants. C'est ce qu'elle m'a dit en pleurant dans mes bras. Ici c'est la Saint-Valentin, mais pas la chante encore au fer des roses. Au pied d'une tombe, une rose arrosée par les larmes d'une mère victime d'un cœur dévalisé. S.O. Combien de fils faut-il encore perdre pour qu'il réponde enfin à l'appel? Faut-il que ça porte en guerre civile ou bien pire en génocide? Ici les armes ne sont pas factices, nos petits anges se diabolisent. Le paradis est sous ses pieds, pourtant on lui fait vivre l'enfer. Encore un fils qu'on enterre, encore les cris d'une mère en détresse. Yeah. Dis-moi comment vivre avec ça. Ils ont tué mon bébé là. Ici quand les calaches parlent, c'est pour nous offrir des rats. C'est pour nous offrir des rats. Oh, oh, oh. Encore une bougie qui vient de s'éteindre. Un an déjà que tu n'es plus de ce monde. Comment consoler cette mère qui élève seul son monde. On enterre son père mais pas son mari. C'est ce qu'elle m'a dit en pleurant dans mes bras. Ici c'est la Saint-Valentin. Ce qu'il pleure alcoolisé dans un bar du quartier. Il se promet d'aller tous les shooter. Ici la vengeance est un boomerang. Et les armes affelassent le langue. Pour répondre à cette violence que le système ne peut plus masquer. Un billet dans la poche, une balance, une démarrante de roue casquée. Une voiture à l'arrêt, une détente qui se presse. Encore un fils qu'on enterre. Entend les cris de merde des presses. Yeah. Dis-moi comment. Ils ont tué mon bébé là. Ici dans les ça. L'actualité m'oblige et je le fais de bon cœur. Une grande pensée pour toutes les familles des victimes. Je veux que vous fassiez un gros bordel pour eux, s'il vous plaît. Pour toutes les familles des victimes, s'il vous plaît. La violence ne résout rien. La vengeance ne résout rien. Yeah. La paix et le love. Notre meilleure arme. Une grande pensée à toutes ces familles. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Peace. Hey. Paris, ça va ou quoi? Paris, ça va ou quoi? C'est une bonne ambiance, ça. Très très bonne ambiance. Le côté Diego, vous êtes là ou pas? Il joue, ça se passe comment là? Ça se passe comment là? Une bonne ambiance, hein? Très très bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance, très bien, ils sont beaux et tout ça. Ouais, ils sont beaux, ils sont mignons. C'est quoi? Ça me fait penser une fois qu'on était dans ta chambre, mec. Et on faisait les freestyles. Et puis quand de la rime, il venait dans ta chambre et tout. Et moi, je faisais le beatbox comme ça. Attends. On te le dit là maintenant. Tu étais nul. Tu savais pas le faire. Voilà, je te le dis maintenant. Ça, on est entre nous là. On est entre nous, je te le dis. Voilà. Tu étais nul. Il était nul. Tu savais pas le faire. Tu savais pas me faire. Vous me faites remarquer devant tout le monde là. Quoi? Tu veux le faire? C'est quoi? Regarde, très simple. Ce soir à Paris, je vais faire un vrai beatbox et tu vas voir, je vais te faire fermer ton clapet. Tu vas voir. Vous êtes prêts ou pas? Allez, regarde, c'est très simple. Arrête. C'est nul. Voilà ce que je disais, c'est nul. Non. Moi, je vais te faire un vrai beatbox. Pas ton truc fatigué, ok? Tu es prêt ou pas? Voilà. Vas-y, essaye. Non, mais pour ça, faut que quand je le fais, Soprano il rentre et il fait une improvisation comme à l'ancienne, tout ça, tu as vu? Soprano, viens, j'ai une méchante idée. J'ai une bonne idée là, je vais faire un beatbox, mais faut que tu fasses une improvisation comme à l'ancienne. Attends, alors je me suis caché tout à l'heure. Ouais. C'est mon frère, mais plus maintenant. Ouais, tu as vu? Il sait pas. Ouais, alors s'il te plaît, si tu fais un beatbox, ne me fais pas remarquer. Pour l'instant, tu es mon frère, après je sais pas. Écoute, tu vas péter les plombs, tout le monde va péter les plombs là, tellement il va être trop bien, moi. Alors attends, pour faire une improvisation, j'ai besoin de rapper sur quelque chose. Montrez-moi un peu des trucs. Sur quoi? Alors toi, tu m'as montré ta main. Oui. Un cœur. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Sac à dos. Oui. Drapeau des Comores. Oui. Cosmo. Attends, voilà. On va essayer de faire... Save the world. Ah, mon frère, on va faire ça. On va essayer de mettre tous ces mots. Rappelez-moi-les, parce que j'ai une mémoire de poisson. Hein. Attention. Vas-y. Fais pas remarquer, s'il te plaît. Écoute. Putain, vous essayez de gâcher mon concert, là. Allez, attention, on y va. Voilà le motif. Ok. Yeah. Je vais faire un freestyle pour le save the world. Soprano Baba, toujours en train de montrer qu'il est le best of the world. Quand il commence à partir en freestyle, pour les mecs qui sont en train de lever les bras et qui taillent pas d'ici, ils sont là pour foutre le bordel. Monter le bras vers le ciel, toujours en train de faire le bordel avec les mecs de Zach. Soprano, toujours en train de faire une dédicace au psychiatre. Je vois tout le monde en train de faire le show, de foutre le why, dédicacé à tous ceux qui sont là et qui mitraillent comme Don Joe à l'époque. Soprano Baba, toujours en train de montrer qu'il est là avec un fou dans le froc. T'es fou ou quoi? On est là en train de rapper. S'il te plaît, fais-moi un acapella que je puisse chauffer. Le public est chaud, on va hurler de tous les côtés. Les bras bien levés, le freestyle est élevé. Je vois tout le monde qui est en train de chauffer. Mes mots commencent à arriver. Continue. Quoi? Stop. Putain, mon impro commence à arriver. Vous venez gâcher le show là. Comment ils sont pas chauds? Ah ouais, mais tu as oublié un truc là? Comment c'est pas chaud? C'est qui te l'a dit? Passe-moi un téléphone. Allô? Allô? Allô? Allô, Soprano? Tu nous entends? Le Zénith de Paris! Ouais, le Zénith! Le Zénith, vous êtes en direct dans toute la France! Bonsoir Soprano. Et vive Soprano. Vive Soprano. Soprano. Attendez, vous voulez gâcher mon concert ou quoi? Vous êtes en train de dire que le Zénith de Paris, il est pas chaud ou quoi? Il est pas chaud le Zénith? Allez. En direct sur Skyrock, le Zénith de Paris. Ouais, ouais. Faites du bruit dans toute la France. La France vous entend, le Zénith. Montrez-leur que vous êtes les plus forts, même plus forts que les Marseillais. Oh, c'est pas possible. Plus fort qu'au Dôme de Marseille. Oh, le Paris. On va leur montrer comment c'est chaud ce soir. Ouais. Montrez-nous ce soir que vous êtes vraiment chaud. Montrez-nous ce soir que vous êtes vraiment chaud. Montrez-nous ce soir que vous êtes vraiment chaud. Montrez-nous ce soir que vous êtes vraiment chaud. Le compte des âmes, est-ce que vous êtes vraiment là? Je veux voir tout le monde le bras comme moi, en train de foutre le dawa ici à ma fille. Jusqu'à Paname, tout le monde fout le dawa. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir une ambiance comme ça, malgré tout ce qui se passe. Ça fait super plaisir. Vous savez, avant même les attentats, je faisais chaque fois à ce moment-là un discours. Et pour, comment vous expliquer? J'insiste sur cette phrase que j'aime beaucoup. Je suis musulman pour aimer, pas pour armer. Quand je vois tout ce qui s'est passé, je me dis, mince, les gens vont encore mélanger. Vont commencer à tout mélanger et ça me fait mal au cœur. C'était très difficile pour moi de pouvoir faire des concerts. On s'est battu pour pouvoir maintenir des concerts, pour pouvoir dire aux gens que c'est important de continuer à vivre, pour leur montrer qu'ils n'ont pas gagné. Mais pour ceux qui ne sont pas là ce soir, qui nous ont quittés, j'aimerais que toute la salle avec moi, nous puissions faire une minute d'applaudissement pour toutes les victimes, s'il vous plaît. Direct sur Skyrock. Merci. Vous savez, c'est très important pour moi. J'ai commencé le rap grâce à des groupes comme Aya, NTM, parce qu'ils avaient des messages. C'est un truc très important pour moi et je continuerai à le faire, qu'importe le style de la musique que je ferai. L'important, c'est d'avoir un message. Et justement, avec tous ces événements, comment vous dire, je me dis, avec la chanson qui arrive, que j'aurais aimé voyager à travers le temps. Yeah. Est-ce que vous êtes prêts à chanter avec moi ou pas? Je vais entendre toute la salle avec nous. Yeah, ça fait. J'aurais aimé voyager. Yeah, encore une fois. J'aurais aimé voyager. Si j'avais eu le pouvoir, je serais parti revivre la naissance de Lénine. j'aurais été à Sanaa, boycotter le décollage de la 310. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille. J'aurais été voir Martin Luther King après son discours, lui montrer la photo. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais fait un gigantesque bouchon. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances, mais pour vider la soupe. Tout le monde est branlé. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Yeah, yeah. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Yeah, yeah. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Est-ce que vous êtes toujours là, les élus? Si j'avais eu le pouvoir, dire on a Kamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père. Un petit tour au Paris-Dakar, en pleine savane, pour boycotter les Nico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent les rouges, j'aurais été crever les pneus dans mon dos de Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche, tu sais. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, Blair Woodstock, pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown pour aller voir Michael nous faire le... J'aurais été à New York, déclenché à 7h, une alerte à la bombe dans les 2 tours. J'aurais été en Irak, apprendre aux journalistes. J'aurais été en Afghanistan, jeter les caméras de la dernière interview. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayo. J'aurais été à Clichy-sous-Bois, dépasser le transport de DF avant que Ziyad et Bouna arrivent. J'aurais été chez Kunta Kinte ou sur Corée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants sans l'immigré. J'aurais été en Autriche, j'aurais tout fait pour que les parents Adolf Hitler ne se rencontrent jamais. Même si j'avais eu le pouvoir de Nakamura, qu'aurais-je fait pour Haïti, le tsunami ou Katrina? Qu'aurais-je fait pour l'Alaska? Tout ce que la nature nous a donné, la nature nous reprendra. Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou voulu vivre, tellement de choses que j'aurais voulu effacer ou revivre. Mais tout cela est impossible à l'ami. Donc j'aspire un grand coup et je souffle sur ma 30e bougie. Et Paris, tout le monde la met en l'air, Paris. Le côté Zach, le côté Diego, devant jusque tout là-haut. Et Paris ce soir c'est Soprano. Je veux voir toute la salle prendre l'air avec nous. Jusque tout là-haut. Zach, Diego. Et Paris avec nous, ça fait. Tout le monde c'est gauche, droite, gauche, droite, c'est gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On ne peut vivre que le présent. Le passé c'est derrière, les amis. Le futur c'est beaucoup trop loin. Le présent c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut vivre les choses à fond. Maintenant qu'il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime avant qu'il soit trop tard. Car il est souvent trop tard. Donc si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, le 13 novembre, j'aurais été sur Paris et j'aurais évacué toute la ville. Le concert de Soprano à Paris, en direct sur Skyrock. Merci beaucoup. Désolé, je perds souvent mes mots, parce que c'est des moments d'émotion qui me prennent beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, pour moi, même si ça se voit pas, vous me voyez sourire et tout, c'était un mois très difficile, que ce soit avec tous ces attentats, mais j'ai perdu mon meilleur ami, un membre des psychiatres qui s'appelle Sia Style. Et ça m'a beaucoup touché, ça a touché tout mon groupe. Là, je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'écoutent à la radio. Là, je leur fais une dédicace à Lonz et Vince, là, maintenant. Et je voulais leur... Comment vous expliquer? J'ai écrit une chanson pour lui, parce qu'il se battait contre le cancer. Et chaque fois quand je vais dans les hôpitaux pour aller voir des enfants, à la base, je vais pour leur donner le sourire. Et c'est eux qui sourient avant même que je rentre. Et ça, c'est une grande leçon. La chanson qui arrive, elle a été écrite pour eux, pour mon ami et tous ceux qui se battent pour la maladie, qui se battent pour quelque chose. Quand je vois tout ça, je me dis, même quand je vois toutes ces personnes sourire mélangées, je me dis que ce soir, nous sommes tous millionnaires. Est-ce que vous êtes là à chanter avec moi? Tout le monde est prêt, on y va. Je veux être riche de ton sourire, de ta volonté à reconstruire, de tes aventures, de tes croisières, de ta victoire, de ton mariage, de ta grossesse, de ton pardon, de ta sagesse, de ta liberté loin de l'enclos, de ta différence, de ton drapeau. Oui, j'ai besoin d'air, je suis tout le monde, si rends-moi millionnaire, la, pour acheter ce qui n'a pas de prix dans ce monde éphémère. Rends-moi milliardaire, j'ai besoin de toi, sois mon mine de diamant. Est-ce que vous êtes millionnaire ce soir? Je veux être pauvre de tes larmes, de ces fanatiques, de ces amalgames qui nous divisent, des guerres en Afrique, de ces anonymes qui nous condamnent, de ce jour où ma mère rendra l'âme, de cette jeunesse qu'on abandonne, aux mains de ces fous. Oui, j'ai besoin d'air, je suis tout le monde, si tu ce monde éphémère, rends-moi milliardaire. J'ai besoin de toi, sois mon luxe, ma mine de diamant. Est-ce que vous êtes toujours là, le zénith de Paris? Merci. Yeah, yeah. Sois ma richesse, ma gloire, mon ivresse. Sois mon échelle pour monter les fresques. Sois mon alliance, ma marque de noblesse. Dans la course au bonheur, sois mon moteur, ma vitesse. Je veux être riche en humanité pour pouvoir en laisser un pourboire. La cupidité nous a endettés. Remplis-moi les poches d'espoir, on y va. Remplis-moi les poches d'espoir. Remplis-moi les poches d'espoir. Remplis-moi les poches d'espoir. Si tu es millionnaire, pour m'acheter ce qui n'a pas de prix dans ce monde éphémère, rends-moi milliardaire. Direct sur Skyrock. Est-ce que le message passe ce soir ici? Est-ce que le côté Diego est toujours chaud? Merci. Est-ce que le côté Zach est toujours chaud? Tu as vu ça? Eh hey, Diego, c'est un truc de fou, hein. T'imagines quand on était dans la chambre, tu aurais pensé qu'on aurait rempli, même si aujourd'hui, tu as vu, c'est exceptionnel. Mais regarde le monde qu'il y a. Ah ouais, c'est beau. Tous les gens qui chantent et tout, ça fait plaisir quand même. On n'aurait pas pensé à ça, hein. Quand on était dans la chambre et tout là, non, c'est impossible. Quand on était dans la chambre, tu as vu, on refaisait le groupe des frères là, les cinq frères. Les frères, là. Ouais, ouais, tu te rappelles ou pas? Eh oui, même moi j'étais au fond de, dans le lit comme ça, et je jouais la guitare là, la guitare. Non, c'était une guitare. Excuse-moi. Ouais, c'était une raquette. C'était une raquette, je suis désolé, mais c'était une raquette, on voulait pas te le dire, j'étais tout petit. Comment ça? Je me rappelle, ça tue. D'où tu rappelles? J'avais 2 ans, tu te rappelles d'où? J'avais les couches là, vas-y. Tu sais même pas c'est qui le chanteur des feuilles? Quoi? Le chanteur lead, tu connais pas? Moi je le connais pas? Moi je le connais pas! C'est Paris qui le connaît pas, moi je connais! Oh, vous voulez boycotter mon concert depuis tout à l'heure, vous me coupez. Oh, tu es en train de dire que Paris n'a pas de culture musicale ou quoi? Non, pas de culture musicale, je suis désolé. Non, vous n'avez pas de... Attends. On va lui prouver ce soir que vous connaissez le chanteur lead des Five. Tout le monde, les deux bras en l'air et à trois en tape des mains. Vous allez lui montrer que vous connaissez. 1, 2, 3. comme un Michael. Oh Michael. Oui Michael. Ma maman Michael. Fais du bruit pour Wally Jackson. Où tu vas? Comment faire Michael Jackson sans faire ça, DJ Mez? Fais le moonwalk. Une pensée pour le petit frère Jules aussi, qui sort le 4 décembre, le film dédicace au frangin. Tu sais, regarde, tu as vu, ils connaissaient. Non, non, mais ils ont eu de la chance. Toi, tu veux vraiment boycotter mon concert. Mais en tout cas, il était là, il connaissait pas. Tu as vu le chanteur là, que tonton, il écoutait quand il était dans la chambre. Ouais, quand il sortait de la chambre, il avait les gros yeux rouges comme ça, les gros cheveux sortaient là. Ouais, mais parce qu'il fumait un peu quelque chose qu'il fallait pas trop. Faut pas faire ça. Mais tu connais pas, tu sais pas de qui on parle. Moi je connais pas. J'avais 2 ans, j'avais les couches, comment tu trouves? Oh, mais vous croyez trop, je suis né hier. C'est Paris qui connaît pas. Oui. Ils connaissent pas, je suis désolé, ils connaissent pas. On va lui prouver que vous connaissez. Non, ils connaissent pas. Ne me faites pas remarquer, s'il vous plaît. Ils connaissent pas. Vous êtes prêts? DJ Mesh, tu as un truc pour moi? Est-ce que vous connaissez? T'entends? Alors s'il vous plaît, le Zénith de Paris, faites un gros bordel pour monsieur Bob Marley. Tout le monde en saute et en chante. Diego. Est-ce que le côté Diego est chaud? Oh yeah! Oh yeah! C'est bon. Est-ce que le côté Zach est beaucoup plus chaud? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Est-ce que Paris est chaud vraiment ce soir? Oh yeah! Alors avec moi, oh yeah! Encore, oh yeah. Et on chante. Could you be love? Oh na na. Oh yeah. Could you be love? Oh oh oh na na. Faites du bruit pour monsieur Bob Marley, s'il vous plaît. Eh oui. Michael Jackson m'a donné envie de faire de la musique pour réunir beaucoup de gens. Et lui, Bob Marley, m'a donné envie de mettre des messages. Là, on était en Jamaïque. On était en Afrique. Je sais pas. Est-ce que tu le sens ou quoi? Ouais? Tu le sens? DJ May, je viens de me dire, j'aimerais bien leur faire un petit extrait inédit. Parce que depuis tout à l'heure, ils essayent de boycotter mon concert, les deux frères là. Est-ce que vous êtes prêts à entendre un petit extrait de leur chanson Maman ou pas? Maintenant, vous faites les marques, vous allez vous faire remarquer maintenant. Je veux voir tout le monde, les bras en l'air au refrain, faire ça. Tac, tac, tac. Montrez-moi, s'il vous plaît. Tac, tac. Un grand cours de Zumba ce soir. Merci. Dès que vous entendez le refrain, je veux vous voir faire ça. Alors, ici, en exclusivité, au Zénith de Paris, faites du bruit pour Zach et Jada. Le concert de Soprano à Paris, en direct sur Skyrock. Paris, ça va toujours ou quoi? Tout le monde en tête des mains. On y va. On m'a dit que l'argent tombait du ciel. Oh maman, j'en rêve si tu savais. Étranger, plus d'un mauvais oeil. Oh maman, j'ai peur si tu savais. Quand j'ai décidé de partir là-bas, faire des sacrifices. Pourtant je compte pas non. Te mettre à l'abri, c'est l'essentiel pour moi. J'ai quitté le pays et le reste on verra. Allô maman, comment ça va? Je suis arrivé, je ne galère pas. S'il te plaît maman, ne t'inquiète pas. Bientôt je reviens de l'argent plein les bras. Tout le monde, je quitte mon pays sans zéro. Je reviendrai maman, de construire un château. Les années passent, même loin de vous, j'oublie pas mes racines. Je sais rester fort quand tu prends l'arme dans ce tatipone. Je me tue à la tâche, la peau plaquée du passé à la plonge. Je fais pour toi, maman, je pense à toi. Oui, allô, maman, comment ça va? J'espère que tu reçois le mandat que je t'envoie. S'il te plaît, maman, ne t'inquiète pas. Bientôt je reviens de l'argent plein les bras. Tout le monde, mon pays sans zéro. Une grosse dédicace à tous les parents qu'il y a dans la salle. Une dédicace à notre mère qui est aux Comores, en Afrique. Et en parlant d'Afrique, Zach. Et en parlant d'Afrique, j'ai reçu une lettre l'année dernière, les amis, d'un petit qui vivait la guerre civile chez lui. Il parlait à la paix chez lui. Et j'aimerais bien vous raconter cette histoire en ayant une grande pensée pour le Mali et la Tunisie. Hello, si tu m'entends, dis-toi que t'es la bienvenue. Ici les femmes et les enfants n'attendent que toi. Yeah. Hello. Yo, hello. Je te promets un accueil comme tu n'as jamais eu. Oui, on fera tout pour que tu nous quittes pas. Hello. Paris, avec moi, tout le monde. L'espoir de te voir diminue. Fais-nous au moins un signe, dis-nous que t'es là. Hello. Yo, hello. Je sais bien que d'autres enfants te réclament aussi. Mais ce soir l'ennemi est devant le village. Hello. J'entends crier à l'aide. Des obus déchirent le ciel. Je vois des corps tombés autour de moi. Des flammes tapent à la fenêtre, ça découpe à la machette. Réponds-moi, on a besoin de toi. Est-ce que vous êtes là, Paris? Hello, si tu me cherches, je suis assis au fond du placard. Papa et maman m'ont dit d'aller me cacher. Yeah, yeah, hello. Yo, hello, si tu m'entends, s'il te plaît, ne viens pas trop tard. Papa est parti te chercher. Hello. J'entends crier à l'aide. Des obus déchirent le ciel. Je vois des corps tombés autour de moi. Des flammes tapent à la fenêtre. Ça découpe à la machette. Réponds-moi, on a besoin de toi. Paris, tout le monde, on tape des mains. Yeah. C'est vrai que les attentats nous sont tombés dessus. Mais dans d'autres pays c'est tous les jours. Donc on pense à eux. On pense à la Tunisie. On pense au Mali. On pense Syrie, Libye, Palestine. Tous ces pays là on pense à eux. Yeah, yeah, yeah. Hello. Tu n'es toujours pas venu. Et papa vient de tomber. Hello. Fiorello. On m'a dit qu'il repose auprès de toi. Oui, toi, qu'on appelle la paix. La paix. Paris, yeah, yeah, prends soin de lui. Prends soin de lui et qu'il repose avec toi. Ce qui se passe dans le monde. Pray for the world. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh oui, je sais, on fait beaucoup d'hommages. Je vous ai dit, ce soir, c'est spécial. On ne peut pas penser qu'à tout ce qui s'est passé à Paris. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses en ce moment, ce temps-ci, malheureusement. J'en perds mes mots, excusez-moi. Mais je pense au Mali, je pense à la Tunisie, je pense à tellement de pays, à tous ces enfants. Et vous savez, je suis obligé de poser une question. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent depuis très, très longtemps ici? Il y a une chanson qui va plaire à beaucoup d'anciens ici. Une chanson qui, justement, parle de ça. Parle de ça. Et là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que tu fermes les yeux et que tu imagines. Tout le monde les prend en l'air avec nous. Et s'il vous plaît, un gros bordel pour mon ami Placo, yeah, qui m'accompagne sur cette chanson. On pense à lui ce soir. Yeah. Tout le monde les prend en l'air et je veux vous entendre faire le refrain. 1, 2, 3, on y va. Ça n'arrive qu'aux autres, on réalise pas tant que ça ne nous touche pas. Hey. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on n'ose. Oh, relativise, ferme les yeux. Oh, à vous. Ferme tes yeux, imagine ta vie dans ces pays où les hommes politiques sont en crise, où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar civilise, où on peut mourir d'une simple fièvre, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sous la canicule de ces pays où pendant 2 mois tu bronzes, hein? Toute l'année brûle. Imagine ta vie sans eau potable, une douche, les jours de pluie, pas de bouffe, mais sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campouche, ou brûlé comme un Magali tout dans le bus. Ouvre les yeux maintenant et avant d'insulter la vie. Tout le monde, ça n'arrive qu'aux autres, on réalise pas tant que ça ne nous touche pas. Et on sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on n'ose. Oh, relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Oh, à vous. Yeah. Fais du bruit pour mon poteau Placo, s'il vous plaît. Concert de Soprano à Paris, en direct sur Skyrock. Et Paris, ça va toujours ou quoi? Est-ce que vous passez une bonne soirée, Paris? Ok, alors je voudrais que vous passiez un maximum de bruit pour notre danseur. Pour notre choriste, Sam Gagano. Paris, ça va toujours. Hey, s'il vous plaît. Fais du bruit pour Monsieur Soprano. Oh, oh. Monsieur Soprano. Attends, ah, on l'a refait. Viens, attends, je vais le chercher. Attends, vas-y, chercher. Vas-y. Attends, je vais chercher. Soprano. Qu'est-ce qu'il fait? Soprano. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il est là, attends, vas-y. Oh, il a bu. Pourquoi tu bois? Qu'est-ce que tu fais? Attends. Formidable. Non, c'est pas toi qui chante ça. C'est pas moi qui chante ça. C'est pas toi qui chante. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est moi qui chante. Ça paie comme jamais. Non, c'est pas toi. C'est pas moi qui chante. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai bu un peu, désolé. Mais pourquoi tu as fait ça? Regarde le monde qu'il y a, c'est pour toi ce soir à Paris. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais c'est quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit à ma fille ça. Où est ton papa? Ah ouais. Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Oh sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Paris, où est ton papa? Je suis à Paris, dans ma fille. Je suis à Paris, ma fille. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Je suis à Paris, ma fille. Oh, sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit. Tout le monde le prend l'air. Et 1, 2, 3, on y va. Je suis à Paris, ma fille. À Paris. À Paris, ma fille. Allez, sortez, sortez. Faites du bruit pour les danseurs, s'il vous plaît. Comme ça au moins ils sont contents. Mais là c'est le concert de soprano, c'est pas les danseurs. On les sort, on croit quoi? Ils croient quoi? Ils croient qu'ils vont rester là jusqu'à quand? Et c'était fou. Jusqu'à quand? Et sortez. Respecte les danseurs. Toi tu respectes pas les danseurs un peu? Quoi? Toi aussi tu sors. Sors. Tu sors. Tu sors. Respecte les danseurs. Sors. Tu as fait 3 chorégraphies, tu te la pètes maintenant? Vous voulez trop boycotter mon show? Donc tout à l'heure j'arrive pas à faire mes chansons. Mais toi aussi tu sors, hein? Allez, sors toi. Tu sors. Sors toi aussi. Putain, jamais vous allez me laisser faire mes morceaux là. Vous savez, j'aime beaucoup cette chanson de Stromae parce qu'elle me rappelle ma réalité. Je suis souvent en concert, beaucoup en tournée. Je suis loin de ma famille. Et pour pouvoir leur faire une dédicace, à chaque concert je prends quelques minutes pour leur faire une petite dédicace. Est-ce que vous me permettez de leur faire une petite dédicace, s'il vous plaît? Après, je vous jure, on remet les glaçons, on fait tout ce que vous voulez. Mais juste, est-ce que vous me permettez de faire une grosse dédicace pour mes enfants, s'il vous plaît? Pour ça, j'ai besoin un peu de lumière. Mettez allumé vos flashs, mettez allumé vos briquets, le côté Zach, montrez. Ne faites pas ceux qui ont les premiers Nokia, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. DJ Mesh, t'as vu comment c'est beau ça? Vous êtes magnifique. On dirait que je suis dans les étoiles. Comme avec ma fille Inaya. Je veux entendre tout le monde chanter du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Yeah. Je vis dans les étoiles depuis qu'elle est là. Je sais plus avoir mal depuis que t'es là. Oh Inaya. Ton arrivée au monde a changé. Elles t'ont mis dans mes bras et j'ai eu l'impression d'avoir volé un bout du paradis. Je ne savais pas que tu m'aimais autant jusqu'au moment où tu m'as souri. Et là le temps s'est arrêté. À vous. Oui tu es pour moi celle qui réussit à soigner mes plaies. Je serai celui qui fera la guerre pour que t'aies la paix. Mon amour pour toi devrait être comme isolé. Mais comment te l'expliquer? Avec moi, je vis dans les étoiles depuis que tu es là. Je ne sais plus avoir mal depuis que tu es là. Viens dans mes bras. La famille c'est tout, le reste c'est rien. La famille c'est tout, le reste c'est rien. La famille c'est tout, le reste c'est rien. La famille c'est tout, le reste c'est rien. Grosse dédicace à ma fille Inaya. Le concert de Soprano à Paris, en direct sur Skyrock. C'est là, on va essayer de faire le refrain. Grosse dédicace à mon fils, Lenny. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le refrain? Alors aidez-moi, s'il vous plaît. Je veux entendre le côté Zach et le côté Diego avec moi. Si je me rappelle bien, ça faisait... C'est la vie de la... Merci. Dédicace à mon fils Lenny. Et voilà, j'ai fait des dédicaces à tous mes enfants. Nous pouvons passer à autre chose. Ça se voit qu'il n'y a pas chez vous une petite chippie qui prend le téléphone et qui le jette du troisième étage. Non, non, non, non, non. Je ne ferai pas de dédicace pour elle. Non, on passe à autre chose. Attendez, vous me faites passer pour un mauvais papa. Attendez, je vous explique. Mon prochain album, je l'ai écrit dans un carnet. Depuis quelques jours, chaque fois que je rentre, je vois des dinosaures. Je vois des... Non, pas de dédicace pour cette chippie. Impossible ce soir, le Zénith de Paris. On peut continuer. Ce soir, le côté Diego est chaud ce soir. Je vais vous raconter l'histoire de mon petit voyou Luna, Luna. Mais j'ai besoin de vous. À droite, à gauche, tout le monde chante avec moi. Yeah, yeah, yeah. Mon petit zèbre est un voyou. And... Quand ses caprices me prennent au mot, elle réveille le Hulk en moi. Que j'ai su canaliser. Quand elle devient à la maison, un éléphant dans un musée. Mais pourtant, à vous, yeah, elle m'est tombée du ciel. Yeah, ses joues au bout de miel ont transformé mes lèvres en milliers d'abeilles. Encore, c'est fou. Yeah, elle m'est tombée du ciel. Comment lui dire non quand elle me dit papa je t'aime. Tout le monde nous. Merci, j'ai toujours rêvé de toucher la lune. Ta mère me l'a décroché, t'es la Luna. Ce soir, Pierrot m'a prêté sa plume. Pour qui? La famille, c'est tout. Le reste, c'est rien. La famille, c'est tout. Le reste, c'est rien. La famille, c'est tout. Le reste, c'est rien. La famille, c'est tout. Une grosse dédicace à Inaya, Lenny, Luna, à tous les enfants là de l'équipe et à tous vos familles ce soir. Faites du bruit pour eux. Merci, merci pour eux. Ça fait super plaisir. Voilà. Vous voyez, j'ai fait dédicace à tous les enfants. Tranquille, on peut commencer, on peut enchaîner. Qu'est-ce que tu fais toi? Toi aussi, tu as décidé de boycotter mon concert? Qu'est-ce que tu fais sur scène? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Oh! Oh merde! C'est qui? Le barman? Tout le monde en tape des mains! Est-ce que vous êtes toujours là? comme tous les matins avant d'aller sur le chantier. Il vient me parler de tous ses problèmes de foyer. Il me dit que ses enfants le rendent complètement fêlé, que sa femme le trompe avec le voisin du palier. Et lui là-bas ne fait que nous rabâcher sa jeunesse, qu'il était beau et riche, qu'il est toutes les gonzesses, que dans son temps les jeunes avaient plus de politesse, mais qu'aujourd'hui pour une cigarette il t'agresse. Au fond de la salle j'entends qu'une bagarre éclate. Je cours les séparer avec ma fameuse batte. Je vois que le premier a sous la manche quelques cartes. Le deuxième le rate et me fout une patate. Ils m'ont tous saoulé. Papa parara. A vous. Ils m'ont tous. Papa parara. Oui. Ils m'ont tous saoulé. Papa parara. Ils m'ont tous saoulé. En sortant de son petit bureau, il dessert sa cravate et il me parle de son boulot. Il réfrit son patron avec des tas de noms d'oiseaux. Il aimerait bien se taper sa secrétaire Véro. Et là-bas, il a un côté ravageur, jupe léopard, maquillage de film d'horreur. Elle me parle de ses ébats sexuels sans pudeur, avec ce petit jeune qui est majeur depuis 24 heures. Et là d'un coup un homme monte sur la table, avec son accent bizarre il nous prête de macaque. Il nous dit qu'à l'époque il était formidable, puis pleure dans mes bras en nous criant qu'il est. Ils m'ont tous saoulé. Papa pa, la, la, la, la. Ils m'ont tous saoulé. Et moi, mes problèmes à moi, qui s'intéresse, intéresse, intéresse, intéresse. Oui, et moi, mes états d'âme et mes tourments. Ici, personne ne peut les entendre, c'est normal, car je ne suis que le barman. Tout le monde saoulé, pa pa pa la la la la la. Ils m'ont tous saoulé. Concert de Soprano à Paris, en direct sur Skyrock. Smith. Sorry, my French is very, very bad, but I try. Very bad, but I try. Are you ready? No, no, no, no, no. Are you ready? Two questions. Jeffrey! No, no, no. Comme vous dites en français, ce n'était pas assez fort. Jeffrey! Je veux voir tout le monde se lever, tout le monde danser à partir de maintenant. Je débarque dans le club accompagné de mes thugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme bug. Je masque avec les vrais, ouais je masque avec les bêtes. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le buzz. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mais si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Moi je disais, je vais te pourtailler ta gueule de bois. Bref, ne comprends pas au reste. Ils sont devenus célèbres. Chez nous on fait des rides depuis l'époque de la Marelle. Oui je sais, je vieillis pas. Ils prennent pour Barcel, Stringer Bell. Quand tu prends le micro, je... Nous on brille sans l'aide de EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Pomarel. Tout le monde, on rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, on tire ou on pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la Carlton, on danse quoi? On danse comment? On danse qui? On danse quoi? Jeffrey, débarque dans le VIP, tu es comme Fresh Prince. Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queen. Convoité comme un brise, tous les yeux sur ma sœur. Toi t'es sapé comme sur Arte, donc normal qu'elle te sort. J'attends des mecs qui... Et des mecs qui prennent... En voyant ma dernière... Mesdames, je suis marié. Ces maîtres sont des mythos. J'ai plein de cousins depuis que j'approche le salaire de Eto. Il est trop tôt pour aller au Hilton. Laisse-moi danser. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la Carlton, on danse quoi? On danse comment? On danse qui? On danse quoi? Jeffrey. Jeffrey! Hey, hey, hey, est-ce que le côté Zark est prêt à chicoter ce soir? Est-ce que le côté Diego est prêt à chicoter ce soir? En direct du Zénith de Paris, gros battle de danse. Ici, ce soir, il va falloir les motiver, les chauffer. Fais du bruit pour Wally! Et à ma gauche, un gros bordel pour Clémence. Round one, Walid, danse. Who am I? Tell him I'm Docteur. Venu tout droit des États-Unis, celui qui m'a inspiré cette chanson. Fais du bruit pour Monsieur Carlton Payne. It's not unusual to see me cry. Faites du bruit pour Monsieur Carlton Bay. Ils sont bons, mais je pense que vous êtes meilleurs. Tout le monde les deux poings en l'air comme ça. Et ce soir, le Zénith de Paris, on danse à la Carlton. Danse à la Carlton. On danse quoi? On danse comment? On danse comment? On danse quoi? On danse qui? On danse comment? Jeffrey! Jeffrey! petit bruit pour Clémence et Wally, s'il vous plaît. On garde cette ambiance, tout le monde les prend en l'air. Tout le monde, à partir de maintenant, les morceaux calmes sont terminés. Nous allons bouger, danser jusqu'à la fin du show. Je veux voir tout le monde jumper. Attention, DJ Abdel, remets-nous du gros son. Yeah. Donnez-moi du soleil. Concert de Soprano à Paris, en direct sur Skyrock. Donnez-moi du soleil. Ils sont prêts. Attention, en 3. À 3, je veux voir tout le monde jumper. 1, 2, c'est ma life, la vie d'un. Oh my life, c'est de ma. Oui, my life, tant pis si tu kiffes pas. Donc laisse nous faire les choses. Entouré de les. Oui, laisse nous faire les choses. Entouré de les. Bienvenue à Marseille, bienvenue au bled. Ici y'a pas la pluie mais tu peux y voir un arc-en-ciel. Y'a les Comores et le Maghreb, capitale du foot, du punk et de l'homme de Paris. L'Italie dans la dégaine, une voiture de l'ocre dans les rues d'Espagne le week-end. Du plan d'eau jusqu'au panier, le langage fait peur à hors de feu. Sur le chantier de la Turquie, dans chaque bloc tu peux croiser au moins trois familles Mandy le samedi. Les mamans font des you-you, une pensée pour ceux qui ne font que des yo-yo. Yeah, OM sur le torse, ça danse le mia devant les barres. Se présente ma magnifique ville, à bled, car c'est ma life, la vida. Oui, ma life, les soirées des chichas. Oh, ma life, c'est de ma vida. Oui, ma life, tant pis si tu kiffes pas. Donc laisse nous faire les choses. Entouré de mes. Oui, laisse nous faire les choses. I am. Au début des années 2000, je me souviens des soirées où les mecs rentraient, les dogs s'est dopé. Sur 23 Corse, le tour du bras. Ils scoutaient la salle de faire approuver, ils viennent au cadera. Aujourd'hui, c'est père de Gucci, je suis en main. Les mecs sont aveugles, ça marque Jacob. Là, je défie de tout, c'est comme. À la bouche, chicha pomme. Pour certains, à la main, c'est vodka pomme. La monnaie dans ma poche pour le taxiphone. T-shirt bien serré pour montrer ses formes. Sur la piste de force et Beyoncé, on vient plus de location pour nous acheter. Je présente dans ma magnifique ville, à deux. Car c'est ma life, la vida. Oui, ma life, les soirées des chichas. Oh, ma life, c'est de ma vida. Oui, ma life, tant pis si tu kiffes pas. Ça fait voir, on va voir le côté Diego. Tout le monde avec nous. Ouh, na, na, na, tout le monde fait. Ouh, na, na, na, tout le monde fait. Tout le monde fait. On y va, côté Zat. Ouh, na, na, na. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Africa. Je vous ai dit, on va danser jusqu'au bout. Je veux voir tout le monde le prend en l'air. Et on y va. Avec cette nana, c'est suicidaire à la Nirvana. Dès qu'elle bouge son tralala, tous les maîtres deviennent fada. Mais quand tu lui sors ta banana, elle lui parle de ses ragnagnas. Vocabulaire du CP, pousse poule en PV. Mise ton oeil sur le CV, elle ne couche qu'avec la CV. Sauf si t'as le compte à pour la CV. Mais pour l'instant, faut que tu payes. Pay. Dis-moi quelle est faite pour moi. Même pas un peu. Aïe. Jean Raffin. Dis-moi quelle est faite à toi. Ouh nanana, même pas un peu. Ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Sans style, sa manière de penser, de parler. concert de Soprano à Paris. On Skyrock. Salut Coco. Tu voulais du show, donc voici ce soprano. Donc je suis là pour les frères et les sultans qui sont là pour mettre le feu sur la piste. Et mademoiselle, dis-moi pourquoi tu danses pas à salvo. Surtout avec des meubles sapés. Tu sais bien qu'il faut pas blaguer. Comment rien de la tête au pied. Très obligé d'être stylé. Abidjan, Marseille, Abadra, c'est une histoire de Dolce Vita. Ensemble pour la fiesta, chérie Coco, yo, amiga. Chérie Coco. Une affaire de... Yeah, on est là pour le show. On va garder cette ambiance. Je veux voir tout le monde se baisser. Tout le monde s'accroupit. En haut, je veux voir tout le monde s'asseoir. Tout le monde s'accroupit. Tout le monde s'accroupit. Attention. Tout le monde est prêt. Attention. 1, 2, 3, on y va. On va swinguer. Concert de Soprano à Paris, en direct sur Skyrock. C'est normal, ils sont fatigués le côté Diego. Ils sont fatigués. Mais non, qu'est-ce que tu dis? C'est le côté Zach qui est fatigué. Ah ouais? Vous êtes fatigués. Mais t'es sûr qu'ils sont chauds quoi? Ah ouais, ils sont chauds, Soprano. Alors je vous explique. Ce soir c'était un peu spécial. On était ensemble, on avait beaucoup de choses dans la tête. Mais je vous ai dit, on va évacuer. Il n'y a pas la télé là qui va nous bourrer le cerveau. Ce soir, on a besoin de vous. Est-ce que vous êtes vraiment venus faire la fête ce soir? Alors à partir de maintenant jusqu'à la fin du concert, je veux voir tout le monde se lever. Que tu sois grand, petit, maigre, on s'en fout. Ce soir, je veux voir tout le monde faire la fête. Est-ce que le Zénith de Paris est... Paris, tu vois les mains en l'air. Et on tape des mains. On tape des mains. On tape des mains. On tape des mains. On tape des mains. On tape des mains. On tape des mains. On tape des mains. On tape des mains. On tape des mains. On tape des mains. Les gars, la va terminer avec. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Ce soir, je me fous de ta religion, de ta couleur de peau, de ta différence. On s'en bat la race, comme on dit chez moi. Ce soir, ici au Zénith de Paris, et avec le sourire, on va faire la paix. Où sont les tues? Où qu'ils savent comment faire la fête? Quelle joie, mère ou célibataire? Où sont les hommes? Les pauvres ou les millionnaires? Les pompons, les mecs en survêt, les intellos, les mecs en fume? Où sont les quartiers? Les blocs, les HLM, mis de côté, les résidences et quartiers, les 205, les hauts du TT? Où sont les blancs, les jaunes, les verts, les rouges et les gris? Moi, des avant la politique, bienvenue en cosmopolitanie. Oui! Montre-toi comme tu es, ce soir, pas de tenues usées. Tout le monde, on y va. Tout le monde fait. Ce soir, c'est rap, c'est funk, R&B ou bien électro. Variété, reggae, rock'n'roll, coupé de calais ou qu'est d'être sans ce soir, c'est Libre James et Automoto, ce sont Goku et les Naruto. Ce soir c'est Kalash, posé, ce soir c'est mariage, me dit. Les crêtes, les chauves, les cheveux frisés, les blondes, les cheveux qui. Ce soir c'est l'homme, les puissants, unis grâce à la musique. Moi des avales de politique, ce soir plus personne nous divise. Oui. Montre-toi comme tu es. Fais-moi rêver, mes bras levés, unis on va très haut. Fais-moi rêver, tous mélangés, unis vous êtes trop beaux. On y va. Fais-moi rêver, les bras levés, unis on va très haut. Une hola, oh. Concert de Soprano à Paris, oh, en direct sur Skyrock. On se fait une roule, on peut pas partir comme ça. Oh, oh. Il a pas levé le bras. Non, une deuxième chance. Là, on va lever le bras encore plus haut. Tout le monde. Oh. Gardez tous les bras en l'air pour la dernière fois. Et applaudissez-vous, c'était Terry! Grâce à ceux qui ont monté ce décor, fais du bruit pour Pascal, Fourmi, Popey, Kaza, Quentin, Vido, Jérémy derrière, Nico. On pense à toute l'équipe, fais du bruit pour mon staff, s'il vous plaît. Un gros bordel, s'il vous plaît, pour la première partie. Fais du bruit pour ma sustancien. Un gros gros bordel pour ceux qui m'ont accompagné ce soir. Ah, merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Tiens, tiens. Ceux qui m'ont accompagné pour que ce soit un spectacle, que ce soit un concert spectacle, pour que tout le monde puisse s'amuser et se divertir. Faites du bruit pour Clémence et Walu. Un gros bordel pour ceux qui ont essayé, ils ont essayé de boycotter mon show ce soir. Un gros bordel pour Zach et Diego. Merci Zach et Diego. Une grosse dédicace pour mon meilleur ami, monsieur le plus beau Algérien du monde. Fais du bruit pour DJ Man. Le plus beau des Algériens, le plus beau des Algériens, le plus beau des Algériens. Merci. Là c'est une spéciale pour moi, c'est personnel. Je veux que vous fassiez un gros gros bordel pour mon DJ Sia Style qui nous a quittés. Faites du bruit pour lui, on pense à lui. C'est 4 de la rime à la vie, à la mort. C'est 4 pour l'homme, on t'aime mon frère. On t'aime beaucoup. Une pensée, un gros gros bordel pour Alonso, Vincenzo et ceux qui soutiennent son Prend Baba de la Psyche. Everybody, stop! Hold on! Hey, hey! Up, down, up, down, up, down! 'Cause all I do is win, win, win! Put your hands in the air, make a stand up! Merci, vous êtes magnifique. Merci, merci, merci. Merci, vous savez, ça fait des années que je me bats pour mélanger les styles, mélanger les gens. Parce que pour moi, la musique est comme pour les hommes. Ça n'a pas de couleur, les émotions pas. On s'en fout. On n'est pas là pour diviser la musique et les gens. C'est pour ça que j'essaye de me battre pour mélanger tous les styles. Je voudrais faire une dédicace parce que quand même, je suis conscient que pas tous les artistes font 18 ans de carrière au sommet. C'est grâce à vous. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent depuis tellement d'années, qui me comprennent mon délire. Merci. Je voudrais continuer à faire une grosse dédicace parce qu'ils m'ont fait un truc de fou ce matin et aujourd'hui à toutes les teams qui me soutiennent sur internet, sur les réseaux sociaux. Parce que je leur ai dit soyez unis, ils m'ont montré qu'ils étaient unis. Et à chaque fois, à chaque concert, ils me font des cadeaux. Aujourd'hui il y avait un plan Vigili Pirate, je pense qu'ils n'ont pas pu faire un cadeau. Je vous fais plein de bisous à vous. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci, merci beaucoup. Là c'est une spéciale dédicace à ceux qui se sont soignés à travers ma musique, à ceux qui ont grandi, il y en a beaucoup qui ont grandi avec ma musique, qui ont amené leurs enfants ce soir. Je pense à vous, à tous ceux qui se sont soignés. Je voulais vous dire un truc ce soir, un truc spécial pour vous. Ce soir je divorce avec la mélancolie. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Alors j'ai besoin de vous pour terminer en beauté. Je veux vous entendre chanter avec moi. Ça fait on y est, mon bébé. Tu sais bien qu'il fallait que ça arrive. Ne me retiens pas, ne pleure pas. N'essaie pas de vider ma valise. Tu m'avais dit que les anges n'existaient pas. Pourtant elle a des ailes pour me prendre dans ses bras. Ce soir c'est fini. Merci. Dis-moi que tu ne m'en veux pas et que tu ne reviendras pas. Tu sais bien qu'elle m'a sauvé de toi. Tu sais bien qu'elle m'a sauvé de toi. Ça sera la dernière fois. Ce soir que je serai dans tes draps. Je t'aimais à me tuer. Merci beaucoup, Zénith. On roulait la nuit, sans frein ni permis, au volant de nos tristes mélodies. Ton armure en argile, si fragile, habillait les courbes de ma poésie. Le public aimait nous entendre crier, lorsqu'on était nus sur une feuille de papier. M'aimera-t-il encore après t'avoir quitté? Tu sais bien qu'elle m'a sauvé de toi. son grain de beauté près des lèvres m'a fait oublier la tristesse de nos poèmes. Yeah. Comment pouvais-je rester de glace devant ce tempérament de feu? Je vous l'offre, je vous l'offre Paris, je vous l'offre. Merci beaucoup, une grosse dédicace à vous. Merci d'être venu ce soir, dont vous êtes déplacés. Je pense à ceux qui ne sont pas venus, qui n'ont pas pu venir. On pense à vous. Faites du bruit pour ceux qui sont en train d'écouter ça à la radio. Faites du bruit pour eux.